les équipes décimées, les boucheries, t'as même pas idée. J'passe sur SKY, j'passe sur OKLM, ça sent le vieux montagne, pique les grosses fiscalités. J'passe te tuer ce week-end, après j'baiserai ta mère, j'vais chanter si tu savais comme Jean-Philippe Smet. Cristalline pleine de siroc, les jeunes prennent la coke et visent la teuté. Mon pays s'est plaqué un soir, mais toi un doigt t'es brûlé. PCBG avec des PGP, bon sage 24 en TP, entêté, on vient pas au début. Y'a des mères qui pleurent leur fils hier, c'était encore leur bébé, rien qu'on pense au débit. Mandat lap 145 et je réponds rébu. J'pisse sur l'industrie, ouais, qui l'aurait cru. Photo, pourtant je l'avais dit. Moi je vais peut-être mourir du plan. Deux trois connards diront que j'étais bon. Quand t'applaudis, j'ai des ongles et les races, tu sais que le teutré lui connaît les ongles. Dans la jungle, un putain de bleu, c'est le caméléon. J'compte plus les déceptions, les gens que j'ai à dos. J'étais cheap, je voyais le teuchi calmer les grands. Y'a des crimes en bas, maman, tiens, Kerrida. Plantant floraison sous les néons. Cocaïne noyée dans le glamar. Meurt à tout petit feu sous les rayons. Du soleil qui brûle le goudron de ma vie. J'mets le plein, rien à foutre du prix du baril. J'attends ta teuté pour payer la prime. J'attends de voir naître ma concu, j'attends ton cul, j'attends que la pute de juge libère carré. J'crois beaucoup en chiffres, plus en l'homme, plus en l'homme. Quitte à être détesté, tu veux nous imiter, on a trop d'identité, ils nous reconnaissent au blind test. J'roule en gros caisson, j'monte le son. J'traîne au T-X sans son téflon. J'arrive en moto, tu prends tout sur le flambeau, j'en reculera pas, tu peux nous sortir des nains. Nous, on connaît ni un tel ni un tel. À ce qui paraît qu'ils font trembler la ville. J'dis qu'un gosse avec un AK-47, c'est plus dangereux que le feu que la pègre en Italie. T'as un j'crois qu'on est d'accord. Tout le projet a du corps, vu l'espoir que j'ai émis, vu les jeunes qu'on était. Trouve ça bien qu'on s'en sort. Fils de pute, tu peux gruger un temps mais pas toujours. Jamais trop tard pour ouvrir un livre. T'as fait ton disque d'or, tape. Dans 6 mois vaudra le prix du cuivre. Les plus belles trappes dans les plus belles brochons. C'est la triste, je suis logé, putain de pas des champs. On dit qu'on vend bien, tout est relatif. Je dis que je suis quelqu'un de bien, tout est relatif. Tout est relatif. On dit qu'on va bien, tout est relatif. Je dis que je suis quelqu'un de bien, tout est relatif. Tout est relatif. Comprends-moi, j'ai compté les pertes. Je n'aurais pas tant de mer. Je sais c'est trop des souvenirs. Tellement loin qu'on oublie, oui. Je n'aurais pas tant de mer. On oublie, oui. Comprends-moi, j'ai compté les pertes. Je n'aurais pas tant de mer. Je sais c'est trop des souvenirs. Tellement loin qu'on oublie, oui. Je n'aurais pas tant de mer. On oublie, oui. Ah. J'étais RK au fils de pute. On court pour mourir libre. J'battais que leur allège. Comme si j'allais mourir dans l'heure. J'vais pas leur mentir. J'suis très bien entouré. J'posais déjà sous un préau. J'voyais pas ça comme j'le vis. J'ai grandi papa m'a pas vu faire. Il est seul qui pense c'est vrai. Pour lui la vie rend évidente. Je crois qu'elle t'a jamais souri. Il me faudrait des millions à l'impôt. Rattraper ton gâchet. Et qu'on crame dans le centre-ville. Si un jour je t'ai oublié, je me torture l'esprit. Faut que je les sente la merde. Tant que j'ai la santé. Fils de pute, tant qu'on a des idées. Tant qu'on est en vie. Tant qu'on est en vie. C'est trop des souvenirs, tellement loin qu'on oublie, oui.